La note secrète. Le marquis le fit appeler. Monsieur de La Mole semblait rajeuni, son œil était brillant. « Parlons un peu de votre mémoire, » dit-il à Julien. « On dit qu'elle est prodigieuse. Pourriez-vous apprendre par cœur 4 pages et aller les réciter à Londres ?»« Oui, monsieur. La crainte d'y manquer pourrait seule troubler ma mémoire. Je vais vous mener dans un salon où se réuniront 12 personnes. » Vous tiendrez note de ce que chacun dira. Ne soyez pas inquiet, ajouta le marquis en reprenant l'air fin et léger qui lui était si naturel. Pendant que nous parlerons, vous écrirez 20 pages. Nous réduirons ces 20 pages à 4. Ce sont ces 4 pages que vous me réciterez demain matin. Vous partirez aussitôt après. Votre but sera de n'être remarqué de personne. Vous arriverez auprès d'un grand personnage. Au moment où son Excellence vous regardera, vous tirerez ma montre que voici et que je vous prête pour le voyage. Le duc lui-même daignera écrire sous votre dictée les 4 pages que vous aurez apprises par cœur. Ce qui vous empêchera de vous ennuyer le long du voyage, c'est qu'entre Paris et la résidence du ministre, il y a des gens qui ne demanderaient pas mieux que de tirer un coup de fusil à M. l'abbé Sorel. Ils arrivèrent dans un grand salon d'assez triste apparence, en partie boisé et en partie tendu de velours vert. Le maître de la maison était un homme énorme, dont le nom ne fut point prononcé. Julien lui trouva la physionomie et l'éloquence d'un homme qui digère. Sur un signe du marquis, Julien compta du coin de l'œil 7 interlocuteurs, mais Julien ne les apercevait que par le dos. Quelque effort que fit Julien, il ne pouvait pas ne pas entendre, et il comprenait toute l'importance des choses dont on parlait sans aucun déguisement. Son embarras était extrême. Il entendait de singulières choses.